Jésus, dans le petit Jésus, dans le petit Jésus, dans le petit Jésus, dans le petit Jésus, dans le petit Jésus. Et les moines alors, et les moines, c'est pas pareil les moines. Ils se font pas chier les moines, ils se font pas chier. Ils font de l'agneau ou du fromage. C'est des gaillards, ils se font de la poire. De Noël, les moines vont voir les nonnes, les moines vont voir les nonnes pour leur montrer le petit Jésus. Et c'est la fête au couvent, fête au couvent, fête au couvent, fête au couvent, fête au couvent.